Chers auditeurs et bienvenue à L'Autre Monde, votre dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Alors, je m'appelle François Marginal, nous serons avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 21 octobre 2010 et tel que prévu, nous allons avoir John Turmel en entrevue cette semaine pour nous parler du système financier et surtout, de solution, une solution qui est déjà en train de se propager sur la planète. Alors, on ne parle même pas d'utopie ici, on parle de des trucs qui sont déjà en train d'être appliqués à l'échelle internationale. Et c'est la fin du système bancaire et système financier sous la forme actuelle. Les banquiers privés sont sur le chemin de rentrer à la maison et puis nous allons récupérer ce système-là pour qu'il nous serve au lieu de servir qu'une clique d'oligarques qui sont en train d'appauvrir la planète en entier avec un système qui est mathématiquement conçu pour appauvrir la population. Alors, sans plus tarder, je vous présente cette entrevue. Bonjour chers auditeurs, alors comme prévu, ça faisait des semaines que je vous en parlais, nous avons notre invité sur l'autre monde, John Turmel. Alors John Turmel, bienvenue sur l'autre monde. Merci beaucoup François. C'est un plaisir de vous avoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoutez chers auditeurs, j'ai invité John Turmel parce qu'on peut l'appeler un vétéran au Canada. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui travaille depuis des décennies à faire avancer finalement vos libertés au Canada. C'est le politicien aussi qui a gagné le record Guinness de s'être présenté le plus souvent à des élections. Alors, une personne extrêmement active et, j'oserais dire, probablement une des personnes les mieux informées au Canada par rapport au fonctionnement du système bancaire et du système financier. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous appeler John, si vous me le permettez. John, si vous pourriez nous expliquer un peu là votre cheminement pour vous faire connaître de nos auditeurs ici au Québec, pour qu'on puisse vous connaître un peu mieux, car vous méritez réellement d'être mieux connu. Alors, parlez-nous un peu de vous, votre formation, ce qui vous a amené à en connaître autant au système bancaire, au système financier. OK, ça a commencé en 1973, quand l'Université de Carleton a commencé un nouveau cours, les mathématiques du gambling. Et moi, j'étais dans ma dernière année de génie électronique et je l'ai pris comme un cours extra. Et j'ai devenu tellement bon en jouant aux cartes à cause des affaires que j'ai appris que le professeur m'a dit, écoute, allez travailler pour Iron Ore Company à Shefferville pour 6$ quand il fait 15$ jouer au poker. Et en 74, 15$, c'était 2,5 fois de plus qu'un ingénieur faisait. C'était beaucoup d'argent, oui. 6 pièces. Il allait me payer 6 pièces comme ingénieur, puis je faisais 15 au poker. Puis, puis il a dit, écoute, John, deviens l'assistant dans mon cours, le teaching assistant de mon cours de gambling, et continue à gambler comme un professionnel à Las Vegas. J'avais appris comment jouer le blackjack avec le système de compter les cartes, et j'étais un des premiers compteurs de cartes. Et après quelques années, même deux grands casinos, le Hilton et le Sands, m'ont barré très gentiment. Ils ont approché puis ils ont dit, on veut pas que tu joues plus au blackjack. Okay. Tu peux jouer au dé, aux autres jeux, roulette, mais pas le blackjack. J'ai dit, pourquoi pas? Il dit, tu sais pas pourquoi? J'ai dit, écoute, vous avez votre chance à me casser. Puis le gars, il a dit, non, monsieur, nous avons aucune chance du tout. OK. Donc, et après ça, ils m'ont pu inviter sur les junkets à Las Vegas où ils payaient pour tout, puis je gagnais en même temps. Et donc, je suis revenu au Canada et j'ai dit, comment ça se fait que je peux jouer au poker sans cueillette avec mes amis puis être le meilleur? Mais je peux pas jouer au blackjack sans cueillette avec mes amis et être le meilleur, puisque blackjack est maintenant un jeu de finesse. Donc, j'ai écrit à la couronne, j'ai dit, hey, moi, je commence à jouer des jeux de parties de blackjack où tout le monde a le droit d'être la banque parce que personne veut être la banque contre moi parce que je suis un compteur. Donc, mais ils ont fait une descente, le juge a dit, fais rien, tu faisais de l'argent, tu es coupable. Ils m'ont donné mon record criminel. Et après le record criminel, là, ça commence en vrai. Là, c'est des dés, là, c'est toutes les parties, là, du blackjack tout partout. Hey, je suis criminel maintenant. Donc, je commençais à jouer des parties, j'essayais de trouver des failles dans la loi. Et il y avait une décision en 78 qui a dit que pourvu que la partie déménage chaque fois, ça ne impère pas la réputation des environs, mm-hmm. Et donc c'est pas un maison de jeu si c'est rien que là une soirée. Donc, moi, j'ai commencé à avoir des casinos transients qui déménageaient chaque fois. Et ça faisait, j'étais dans les nouvelles, j'essayais de légaliser le gambling, puis ils faisaient des descentes, puis j'étais trouvé coupable, ils me mettaient en prison, puis ils changeaient ça à service communautaire avec mon accordéon, puis 9 fois, ils ont fait des descentes. Finalement, en 88, un juge a dit, « Hey, t'as laissé tout le monde être la banque? » Pour ça, c'est fair. C'est pas contre la loi. Je te trouve pas coupable. Wow! Moi, j'étais la seule personne au Canada qui savait comment jouer une partie de blackjack public légalement. Donc, j'ai déménagé à Québec. Va voir dans le journal Le Droit. Et j'ai commencé mon grand casino sur la rue principale pendant 3-4 mois, puis la ville était choquée, puis ils ne pouvaient pas me fermer. Et finalement, ils ont fait une descente. La police de Hull, Project Blackjack, ou bien que, Project Blackjack, I think, or Operation Blackjack, ils ont fait une grande descente. Trouvé coupable, 1 mois en prison. Puis, après ça, j'ai retourné en Ontario, où j'avais été trouvé pas coupable. Puis, j'ai recommencé, puis ils m'ont laissé là pendant un an et demi. J'ai fait beaucoup d'argent. Puis, finalement, ils ont fait une autre descente. Ils ont changé la loi, le juge a changé une définition du mot pour expandre la loi pour me poigner, puis ils m'ont fait coupable. Puis, je me suis battu juste à cause du Canada, ils n'ont rien fait. Donc, j'ai perdu ma machine, ma belle machine que j'avais légalisée. Mais, de là, j'avais le 1 000 000 $, puis il fallait que je dépense bien vite avant qu'ils prennent comme seats of crime. Donc, j'ai formé ma partie abolitionniste et j'ai été candidat pour premier ministre en 93. Et c'est là que j'ai dépensé tout mon argent, Renard, pour prendre premier ministre du Canada. OK. Maintenant, nous retournons à l'histoire. Pourquoi que je suis dans la politique? Well, j'ai premièrement fait concurrence en 1979 à Ottawa Center pour légaliser le gambling, arrêter les descentes sur le gambling. Mais ils m'ont demandé, « Hey, qu'est-ce que tu vas faire pour l'inflation? » Moi, je me suis dit, « Moses, les jetons dans mes casinos, ils ne souffrent pas de l'inflation. Ça vaut toujours la même chose, comme qui est base dans la boîte. Comment ça se fait que les jetons du gouvernement perdent leur valeur? C'est la même technique, mécanique. Ça doit être un problème de logiciel. Chips, poker chips, coins, même mécanique. Comment ça se fait qu'un souffle l'inflation et pas l'autre? » Donc, j'ai fait une analyse de génie avec mes outils de haute technologie et j'ai déterminé que c'est l'intérêt sur le prêt qui cause l'inflation. C'est l'intérêt sur le prêt qui cause l'inflation. Ben là, ça, c'est intéressant. Ça va ouvrir la porte. L'économie enseigne que l'intérêt combat l'inflation. C'est ce qu'on nous prétend, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on prétend qu'on monte les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Et puis là. Et moi, j'ai découvert que c'est les taux d'intérêt qui causent l'inflation. OK. Voici comment que je vais te prouver ça. Je vais te donner une banque de jetons, de poker, et je vais te montrer comment les faire inflater. Et lorsque tu comprends comment tu peux faire inflater les jetons qui ne souffraient pas de l'inflation auparavant, et je vous montre comment les faire souffrir l'inflation, maintenant, si je te montre comment arrêter l'inflation sur le jeton, on apprend comment arrêter l'inflation sur l'argent. Donc, le mortgage, une hypothèque en anglais, c'est un mortgage. Mortgage, oui. Ils ne peuvent pas utiliser le mot « mortgage » en français, ou bien ils comprendraient qu'est-ce qui leur mortait, OK? Donc, ils ont le mot « hypothèque » pour les Français. Mais en anglais, ils ont le mot « mortgage ». En anglais, c'est « death gamble ». C'est une gageure à la mort. Et ça marche comme ça. Disons que tu seras le banquier, et 10 gars te donnent leur montre, et tu leur prêtes tous 10 jetons. Non, non, 10 gallons d'eau. Et ils vont tout le mettre dans la piscine, leur gallon d'eau, 10 chaque. Et tu dis, à la fin de la partie, je veux que vous sortez toute la piscine avec 11 gallons d'eau, en intérêt de 10%. D'accord. Donc, lorsque nous en... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque nous empruntons de l'argent d'une banque, ce ne sont pas les dépôts des épargneurs, ce sont des nouveaux crédits. Donc, ça ne marche pas comme un tire-lire où on emprunte les dépôts des prêteurs, mais ça marche comme un casino. Ils prêtent des nouveaux jetons. Là, je vous arrête. Je vous arrête pour dire ça aux auditeurs. Écoutez, chers auditeurs, je dirais que 90 à 99% des gens dans la population croient que lorsque vous allez emprunter à la banque, quel que soit le prêt, que ce soit un prêt hypothécaire, un prêt pour votre voiture ou quoi que ce soit, la majorité des gens pensent que la banque vous passe de l'argent qu'elle a comme un peu comme une tirelire, c'est-à-dire que on va à la banque et on nous passe de l'argent et puis après ça, on nous charge des intérêts sur cet argent-là. En réalité, ce n'est pas le cas. Quand vous apportez vos collatéraux, la banque crée de l'argent dans le système que vous devez rembourser plus les intérêts. C'est-à-dire qu'on crée, on va dire, X montant d'argent, disons 100 000 $ Donc, vous devez... 100 000 jetons. Disons, à comprendre. D'accord. 100 000 jetons. 100 000 jetons plus les intérêts qu'il va falloir rembourser. Et puis, quand cet argent-là va être remboursé, elle est détruite. C'est-à-dire qu'on la crée dans le système et elle est détruite. Sauf que à chaque fois qu'on la détruit, que les prêts sont remboursés, on a en plus des jetons de plus qui doivent être remboursés. Alors, je vous laisse continuer parce que c'est un point essentiel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais voici comment qu'ils ont réussi à cacher cette fonction de création de nouveaux jetons des gens qui les empruntent. Tu t'en vas à une banque, tu penses que c'est un tire-lire. Ils disent, on peut pas rien prêter, la banque est vide jusqu'à temps que quelqu'un fasse un dépôt. L'homme, il rentre là-dedans, il fait son dépôt de 100 000, puis ils disent, OK, là, on peut te prêter, si tu veux, 90 000, bien, 90 000, on te le prête. Bon, On pense qu'on vient juste de recevoir, notre prêt, notre emprunt, du 100 000 du gars qui vient juste faire le dépôt. Mais non! Ils ont mis son 100 000 dans son compte et ils ont créé et prêté 90 000 de nouveau. Mm-hmm. Donc là, dans le système, on se retrouve avec 190 000 $ C'est ça. Le gouverneur de la Banque du Canada en 1939, Graham Towers, il a dit « La banque, certainement, ne prête pas les épargnes des dépositeurs. Et chaque fois qu'une banque fait un prêt, c'est de la nouvelle argent. » Parce que c'est illégal. C'est illégal de passer l'argent des prêteurs, des épargnants. Non, c'est pas illégal. C'est pas illégal? Les tirelires puis les credit unions font ça. Les tirelires, des prêts personnels, oui. Mais oui, c'est ce que je parle. Qui viennent des banques sont enregistrés de façon que le montant d'argent au Canada monte. Mm-hmm. Nous lisons chaque semaine dans le Globe and Mail, oh, le montant d'argent au Canada est monté par tel montant. Mm-hmm. Well, comment est-ce que ça sort, puis d'où est-ce que ça vient, puis où est-ce que ça part? Où est le fossé? Le robinet. Où est la pompe? Mm-hmm. Puis où est le drain? Ouais, on ne sait pas. Donc, moi, j'ai été examiner ça et j'ai vérifié que selon ce que le gouverneur de la Banque du Canada a dit, que lorsque des banques font des prêts, ils émettent des nouveaux jetons. D'accord. Donc, un peu comme un casino. Exactement, excepté qui exige de l'intérêt. D'accord. Donc, ça créait le mortgage. Si je demandais de l'intérêt sur un prêt de bétail ou un prêt sur du grain, tu pourrais me payer 11 vaches si je te prête 10 mm-hmm. sur un bœuf. Ça, c'est de l'intérêt dans la Bible, Ézéchiel. Mais il a dit aussi qu'on devrait prendre l'usure ou bien trop d'intérêt. Donc, il y a une différence entre l'usure et trop d'intérêt, même si de nos jours, ils ont changé la définition de l'usure à trop d'intérêt. Mm-hmm. Mais Ézéchiel, il a dit qu'on te condamne si tu prends de l'usure ou bien si tu prends trop d'intérêt. Mm-hmm. Well, si tu prends 20 vaches pour 10, un peu trop, OK? Mais 11 vaches pour 10, peut-être pas trop. Intérêt. Mais si tu exiges 11 morceaux d'or quand tu n'as prêté que 10, ça crée un mortgage. Parce que comme mon grand-père, Adélard Turmel, créditiste, disait, l'argent n'a pas de prix. Donc on ne peut pas payer de l'usure sur de l'argent. Ça crée le mortgage. Mm-hmm. Donc, mon grand-père, c'est lui qui m'a... Après que j'avais figuré qu'on devrait banquer l'argent comme des jetons dans mon casino et non avec l'intérêt comme ils le font aujourd'hui, j'ai été rencontrer mon grand-père et quand je pense et je dis grand-père, j'ai figuré qu'il faut abolir ces maudits intérêts et je suis dans la politique pour ça. Il y a un grand sourire puis il dit « Hey, moi je suis créditiste puis moi j'ai toujours été contre l'intérêt. Voici toutes mes le stuff de Louis Even et dans les écritures de Louis Even, j'ai trouvé l'île du salut où là-dedans, le gars explique comment qu'on se crée et fait fonctionner un système d'argent à nous, personnel, nos jetons propres. Mm-hmm. Donc, moi, quand j'ai entendu parler d'un homme en Colombie-Britannique, Michael Linton, qui avait commencé un logiciel Let's, qui est connu en France et en Québec comme les systèmes CEL, système d'échange local, ou le système JEU, Jardin d'échange universel. Okay. Donc, les systèmes JEU et CEL en France sont le logiciel Let's en Angleterre, en Canada, que moi j'ai financé. Okay. Et ce logiciel, je l'ai donné freeware au monde et elle a répandu autour de la planète. Et maintenant, on appelle ça des banques de temps parce qu'un sel, c'est basé sur le labeur de tous les membres. Mm-hmm. Travaille pour moi pour une heure, puis ils vont enregistrer ça sur ton compte. Et quand tu veux que quelqu'un travaille pour toi, tu leur payes avec l'heure de ton compte. Mm-hmm. Et donc, on échange des heures. Et un dentiste peut exiger 4 heures pour heure, par heure, pendant que quelqu'un d'autre exige moins. C'est un marché libre, mais avec des jetons à nous basés sur du temps. Mm-hmm. Et donc, si nous proposons des prêts sans intérêt à des gens de nouvel argent qu'ils peuvent repayer après qu'ils l'ont dépensé pour quelque chose avec de l'argent ou de la, du labeur. Mm-hmm. Donc, nous avons l'étendard de temps aux Nations Unies où j'ai été invité en 2000 à aller à l'Assemblée millénaire et parce que j'avais fondé mon parti abolitionniste avec le million en 93 mm-hmm. avant qu'il poigne. Donc, ça m'a donné un billet pour entrer aux Nations Unies parce que j'avais créé une organisation non gouvernementale. Mm-hmm. Et, wow, invitation aux Nations Unies. Donc, j'y étais. Il y avait un commis dans une conférence qui était membre d'un CEL en Australie mm-hmm. et qui a dit à la dame en charge chairwoman que, écoute, ça marche. Quand j'étais, seule femme, avoir une liste de gens qui viendront m'aider en échange pour des heures de travail m'a beaucoup aidé. On devrait faire ça. Donc, ces gens, 3-4 personnes, ont activement travaillé pour la résolution C6 sur la déclaration millénaire pour un argent basé sur le temps. OK. Pour que des gens puissent payer leurs dettes non seulement avec l'argent imprimé, mais avec leur labeur. Ce qui fait que n'importe qui à ce moment-là peut travailler, n'importe qui a des habilités qu'il peut offrir valeur à la banque. C'est en réalité, ça va faire peur au monde, là, mais c'est en réalité ce que le système fasciste avait en tête et puis voulait mettre en dehors les banquiers internationaux avec leurs intérêts. En réalité, c'était la restitution du travail, de l'argent travail, quoi. Donc, ça a été un succès économique incroyable, je veux dire. Mais ne perdons pas de vue, c'est super intéressant, j'aimerais ça qu'on y revienne après ça, parce que c'est des solutions que les gens ont besoin de comprendre qu'en réalité, c'est déjà disponible et on peut déjà fonctionner avec ça. Mais j'aimerais ça que vous reveniez sur votre explication que les intérêts causent l'inflation et deuxièmement, votre exemple des 10 gallons d'eau dans la piscine, OK, qui était très intéressant. Là, ouais. J'ai ce que j'appelle l'équation miracle. Si vous googlez pour « miracle equation », je sortirai parce que voici l'algèbre en simple mathématiques qui mm-hmm. explique l'équation miracle et l'inflation B. Now, toi, le banquier, tu leur as tout prêté 10 gallons d'eau. Ils ont été dans la piscine. Puis 9 sont revenus avec 11 gallons d'eau. Le 10e, il n'y avait pas assez d'eau pour lui. Il a été jeté hors de son mortgage. Mm-hmm. Ils ont tout entré 10 gallons dans la piscine. 9 gars ont sorti 11, pas assez pour le dernier. Pour essayer de rembourser les fameux intérêts. Donc, on a passé de l'eau, disons dans ce cas-ci, 10 gallons d'eau qu'on a mis dans un grand contenant, dans une piscine, sauf qu'il faut repayer 11 gallons d'eau. Donc, en quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent, là. C'est ça. Il n'y a pas, pas d'eau. Hein. Qui n'a pas d'argent, moi, je saisis sa montre. D'accord. Et je dis aux autres, OK, vous avez entre vous 9 fois 11, vous avez 100 gallons d'eau, comme au commencement. Oh, maintenant, il y a simplement 9 montres, plus 10. On vous suit. Donc, l'inflation, l'économie enseigne que l'inflation, c'est plus d'argent qui chasse les 10 montres. C'est ce qu'on dit tout le temps. Et moi, j'ai découvert que l'inflation, c'est le même 100 piastres qui chasse 9 montres. Mmh. Donc, l'économie enseigne que l'inflation, c'est plus d'argent à gauche. Et moi, j'enseigne que l'inflation, c'est moins de montres à droite. Mmh. Okay? Ce qui est une différence essentielle. C'est ça. Si les gens ne comprennent pas qu'il y a une deuxième possibilité, ils comprendront jamais que la solution à l'inflation, c'est d'imprimer plus d'argent. Mm-hmm. Si l'inflation n'est pas trop d'argent, mais c'est trop de faillites mm-hmm. et de saisies, comment est-ce qu'on réduit les faillites puis les saisies? en émettant plus d'argent pour qu'il y ait moins de faillites et de saisies. Donc, par exemple, en 1982, je faisais un protest devant la Banque mondiale puis l'IMF à Toronto, et la police m'ont arrêté. Ils font des stupides choses comme ça des fois. Passerait dans les journaux, puis moi, je passais mon papier qui disait « Pourquoi apporter votre bon à New York pour avoir de l'argent, pour le dépenser et le récupérer en taxes plus intérêt ?» quand vous pourriez imprimer des bons de 1 piastre, les dépenser et les taxer sans intérêt. Alors, 3 ans plus tard, il y avait un article qui annonçait qu'il y avait 6 provinces en Argentine qui commençaient à payer tous leurs employés provinciaux avec des bons provinciaux parce qu'il n'y avait plus d'argent et ça a été accepté en taxes. Et donc, tout le monde a accepté les bons provinciaux comme des nouveaux jetons. Et la Banque centrale s'inquiétait, oh non, avec toutes ces nouvelles argents de ces 6 provinces qui vont émettre leur argent provincial, ça va causer de l'inflation. Well, l'inflation était à 1000% par année. Et après que tout l'argent a été mis en circulation et après que toutes les saisies ont été réduites, l'inflation a été de 1000% à 36%. Oh, l'inflation a réduit. OK. Si l'inflation est vraiment trop de saisies, imprimer plus d'argent va réduire le nombre de saisies. Donc, imprimer l'argent, mettre plus d'argent en circulation, élimine l'inflation. Ce qui est complètement contre ce que tout le monde a été enseigné par la science économique qui voit simplement un shift avec l'inflation. L'inflation, c'est plus d'argent à gauche et plus rien arriver à droite. Mm-hmm. Mais nous savons que c'est vraiment la saisie de la base de l'argent qui cause l'inflation et non plus d'argent. Donc, ayant compris maintenant que la science économique est complètement arriérée, renversée dans la méchante direction, il faut se dire que, wow, si les gars riches ont, pendant presque toute notre histoire humaine, endetté et fait esclaves les pauvres. Et moi, je dis honnêtement que je crois dans une conspiration des riches pour garder les pauvres pauvres. C'est ce que je répète sur l'émission mois après mois, c'est-à-dire que c'est un système qui est fait volontairement pour appauvrir, pour finalement aller chercher l'argent de la population et puis enrichir les banquiers privés, quoi. Je veux dire, c'est... Mais ils n'ont pas de choix non plus, parce que si moi j'étais le diable en charge de ce système endettant, meurtrier, qui cause la misère partout, si moi j'étais en charge... Il n'y aura aucun des milliardaires qui pourrait devenir membre de mon club avant que j'ai preuve de quelque sorte de crime. Mm-hmm. Pour qu'ils ne puissent pas s'ouvrir la gueule. Et donc, c'est pour ça que je ne m'attends pas que les riches du monde nous aident à nous libérer de nos chaînes, mais ils ne vont pas nous opposer non plus. Non. Si ils allaient nous opposer, Il m'aurait tiré avant que j'aurais émis mon logiciel là. Mm-hmm. Là, c'est trop tard. Ils ne peuvent plus me tirer. S'ils me tiraient ou bien accidentaient ou bien me suicidaient ou quelque chose, ça serait plus fameux le logiciel de les dettes sans intérêt. Mm-hmm. Le logiciel de libération. Donc, mais nous avons toutes sortes d'intéressants développements que la plupart des gens ne s'aperçoivent pas parce que les médias ne leur disent pas. Mais le système meurtrier bancaire est en train de crouler. En ce moment, oui. Je vais te donner un exemple. En Afrique, en Kenya, il y a une compagnie Safaricom et qui ont dit, écoute, nos gens, ils n'ont pas de compte de banque, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas faire... Mais, ils ont tous des téléphones mobiles. Donc, nous allons leur permettre de transférer avec un text message des minutes de leur compte à le compte de quelqu'un d'autre. Et de cette façon, ils pourront utiliser des minutes comme des jetons électroniques pour faire leurs échanges. Ça veut dire que les banquiers ne reçoivent pas d'intérêt sur tous les échanges faits avec des minutes cellulaires. Ça veut dire que c'est quand la dernière fois tu as entendu des émeutes en Afrique parce qu'il n'y avait pas de manger, autre où que les États-Unis sont en train de commencer des guerres, la plupart de l'Afrique, pas de problème. Pas de bruit. Pourquoi? Je dis qu'à cause des nouveaux argents complémentaires, alternatifs, que des gens créent eux-mêmes facilement. Maintenant, Facebook vient juste d'annoncer qu'ils viennent juste de créer un système de crédit social, comme PayPal, qu'on pourra faire nos transactions sans avoir à utiliser l'argent. Facebook? Well, Facebook, ah oui. 500 millions, Craigslist, Google, ils sont tous en train de créer des systèmes de crédit pour être capables d'avoir plus... Écoute, tu vas pas à un casino s'ils n'ont pas de jetons. C'est bien mal commun d'essayer de jouer au poker avec pas de jetons. Puis si le casino vous donne pas de jetons, ou pas assez de jetons, on va quelque place d'autre où ils ont assez de jetons. Well, c'est la même chose avec le monde commercial. Dans nos pays, nous manquons d'argent. Mais en Afrique, ils ont beaucoup de minutes cellulaires. Autant qu'ils ont besoin pour faire toutes leurs transactions. En Arabie, ils échangent des cartes de téléphone mobile. Hey, 10 piastres, mobile phone card. C'est un jeton de 10 piastres. Ils n'ont pas de compte de banque, mais ils ont trouvé des nouvelles formes d'argent. Et il y a une révolution où moi, à mon site Facebook, je fais une chronologie de toutes les faillites des systèmes bancaires. Chaque fois que j'entends qu'il y a un grand échange de grains pour grill en troc, ça veut dire que les banquiers n'ont pas eu de l'intérêt. Auparavant, il y avait toujours leur intérêt, leur extra sur toutes les transactions, mais à cause de la technologie d'aujourd'hui, nous avons les Brésil, Russia, India, China, une demi du monde entier commence à utiliser de l'argent national au lieu de l'argent américain. C'est vrai. Il y a des grands changements et en Venezuela, Hugo Chavez il a commencé des selles nationales. OK? Ouais. Pour pousser le troc. Et tu peux. Écoute, on regarde Argentina. En 2001, ils ont annoncé qu'il était cassé. Mais il y avait des millions de gens qui ont été s'enregistrer dans les systèmes d'échange local de créditos. 7 millions! Hey, quand t'es cassé, puis ça, c'est la seule place où ils ont des jetons, tu vas y aller. Il y avait des grandes foires où des gens ils pouvaient aller là, mettre leur reçu, je te dois 100 heures, et ils leur donnaient leur créditos pour aller faire du commerce dans le foire. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que tout le monde peut travailler, tout le monde a quelque chose à offrir, et puis dans le système, vous faites la comparaison avec un casino, avec les jetons, mais la comparaison est très bonne parce que le système financier dans lequel on fonctionne est un peu comme un grand casino en réalité. Et puis ce qui arrive, c'est que quand on se rappelle la Grande Dépression, les gens avaient plus d'argent. Pourquoi? Ben, parce que dans le grand casino gouvernemental, dans le grand, en fait, c'est même plus gouvernemental, la Fed, c'est une banque privée, on avait diminué la masse monétaire. Alors, à un moment donné, c'est certain qu'il y a moins d'argent pour tous les gens. Et puis, à ce moment-là, ça crée, c'est ce qu'on appelle les fameuses récessions, dépressions. Après ça, les booms économiques. Donc, on crée, c'est fait volontairement. C'est-à-dire qu'on peut créer des booms économiques et des récessions. Et puis, moi, c'est ce que j'explique aux auditeurs. C'est-à-dire que la, entre parenthèses, entre guillemets, la crise économique qu'on vit aujourd'hui est créée de toutes pièces, là. C'est-à-dire que j'aimerais bien ça, avant qu'on parte en pause, John, que tu nous donnes rapidement la différence entre, mettons, toi puis moi, on s'en va dans un casino, on va jouer, et pourquoi qu'il n'y a pas d'inflation, et après ça, nous donner l'analogie avec un autre casino qui s'appellerait le casino national, qui s'appellerait le casino comme le gouvernement et la Banque centrale, pourquoi que là, il existe de l'inflation et pourquoi c'est néfaste. C'est quoi la différence entre ces deux types de casinos-là? OK, on va finir l'équation miracle, là. D'accord. Le banquier, tu leur as prêté le principal P. Eux te doivent le principal plus l'intérêt, P mm-hmm. plus I. Mm-hmm. Le nombre qui vont survivre, c'est 100 sur 110. OK? Mm. P sur P plus I. Ça, c'est l'équation pour le nombre qui vont survivre. Le montant d'argent sur la dette totale. Mm-hmm. Et cette équation, c'est dans la vidéo Money as Debt et dans la vidéo Addendum, Ziegheist Addendum, deux vidéos assez fameuses en anglais, et les deux, ils ont cette équation-là, P sur P plus I. Ça, c'est mon équation. Well, là, il faut prendre le reste. Un moins cette équation, ça laisse 10 sur 110. Ça, c'est la fraction qui vont être jetées hors du mortgage. Mm-hmm. Intérêt sur principal plus l'intérêt. Donc, avec l'équation I sur P plus I, on peut dire que à intérêt à 100%, comme quelques nations, ça voudrait dire que 100 sur 200, une demi des gens seraient jetés dehors pour que l'autre demi puisse payer double. Mm-hmm. OK, donc l'équation prédit combien seront forcés hors de leur mortgage. Avec 50%, 50 sur 150, ça veut dire un tiers vont être jetés dehors pour que les autres deux tiers peuvent payer 50% de plus. Mm-hmm. Parce que là, c'est comme si on avait 10 personnes qui rentraient avec 10 jetons chaque dans le casino, sauf que là, à quelque part, lui, il faut rembourser les intérêts sur cet argent-là, donc il y a quelqu'un, quelque part, qui ne pourra pas remettre ses jetons. Donc, on se comprend là-dessus. Et le nombre de personnes qui vont être exclues dépend de l'intérêt. D'accord. Si l'intérêt est 100%, une demi font faillite. Si l'intérêt est 50%, un tiers font faillite. Mm-hmm. Si l'intérêt est 25%, 25 sur 125, un cinquième font faillite. Mm-hmm. Si l'intérêt est 20%, 20 sur 120, un sixième font faillite. Et si l'intérêt est 10%, 10 sur 110, un onzième font faillite. Mm-hmm. Donc, l'équation miracle prédit combien feront faillite et combien de montres seront saisies. Donc là, on dirait que mathématiquement, là, on vient de démontrer que mathématiquement, le système est bâti pour faire en sorte qu'un certain nombre de personnes, selon le taux d'intérêt, va faire faillite dans le système. Et puis là, qui finalement fait plus d'argent là-dedans? Qui? Ceux qui survivent. Well, OK, now, voici comment que moi, je fais un exemple quand je veux montrer comment ça marche. Mm-hmm. Si je suis à une soirée, quelque place, puis je demande à la hostess, donnez-moi des bines, OK, des bines, you know. Oui. OK, donc, je vais montrer aux gens. OK, la première personne, je leur dis, OK, donne-moi ta montre, puis je te prête 10 bines. Mm-hmm. Donne-moi ta montre. Donc, je leur prête toutes 10 bines pour leur montre. Donc, je dis, OK, toi, t'es un boucher et tu vas dépenser tes 10 bines dans l'économie, dans la tâche, et tu vas créer de la viande pour vendre à 11 bines pour payer ta dette. Mm-hmm. Parce qu'il faut que tu fasses tes 10 bines plus ton 10% à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Toi, tu vas dépenser tes 10 bines pour produire tes vêtements. OK? Mais pour payer ta dette, il faut que tu demandes 11 bins en prix. Donc, à tout le monde, je prends leurs 10 bins, je les mets dans l'économie et je leur donne un objet de valeur pour représenter leur produit en vente. Donc, tout le monde offre 10 bins, tout le monde paye 10 bins pour créer leur produit et tout le monde essaye de regagner 11 bins en prix pour survivre leur mortgage. L'économie décide. Well, pour modeler l'économie, j'ai dit nous allons faire un pile ou face pour décider justement un modèle. Donc, j'ai dit, il y a deux gars qui sont débouchés, pile ou face, pile, OK. Ils vont acheter ta viande, monsieur. Donnez-moi ta viande, ton objet, et voici 11 bins. OK, les deux gars qui font des vêtements, OK, on va faire pile ou face. OK, ils choisissent d'acheter de toi. OK, donne-moi le vêtement, voici les 11 bins que tu as besoin. Je m'en vais à l'autre gars qui, lui, bâtit des maisons. Pile ou face, ils ont choisi toi, j'achète ta maison, donne-moi l'objet, voici les 11 bins que tu avais demandé en prix. Là, après que j'ai fait les premiers 5 couples, je tourne, OK, l'économie doit décider s'ils vont ou manger ou bien ou s'acheter des vêtements. Donc, pile ou face, OK, ils ont décidé manger. OK, toi, tu peux vendre ton objet de manger et prends 11 bins. Là, je retourne à celui qui fait le mécanique puis la maison. Pile ou face, OK, ils ont choisi de payer le loyer aujourd'hui, OK? Ils achètent la maison. Vends ton objet, reçois tes 11 bins. Well, à la fin de la partie, 9 des gens auront vendu leur objet pour 11 bins qu'ils ont créé pour 10 bins et ils ont récupéré le 11e bin de celui qui fait faillite parce qu'il ne peut pas vendre son stuff. Donc, dans le commerce, tous les marchands empruntent leur principal, dépensent pour produire leur produit et haussent leur prix à P plus I, espérant de récupérer l'extra, et l'économie décide qui gagnera leur mortgage et qui fera faillite. Et moi, je modèle les décisions de l'économie avec le pile ou face, et de cette façon, les gens peuvent voir que ce n'est pas une fonction de « bad management ». On peut avoir 10 robots qui font tous des souliers, puis à la fin de la partie, l'économie ne peut pas acheter de un des robots qui fait faillite. Ouais, c'est clair. Puis c'est pas bad management, c'est une faillite qui a été créée et ingéniée dans le contrat du mortgage. Ouais. Ce qui, à la différence d'un casino qui, à ce moment-là, lui, ne charge pas d'intérêt, donc il y a tout le temps le même nombre de jetons dans le système, donc tout le monde peut continuer de jouer. C'est ça. D'accord. Le nombre de systèmes dans le plancher égale toujours la valeur avec le casier. Bon, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. John Turmel, comme vous voyez, ça devient de plus en plus intéressant. John, écoute, tu viens de nous expliquer très clairement la façon que le système fonctionne. C'est sûr que c'est une image d'un système assez complexe, mais à la base, c'est exactement la façon que les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'on crée dans le système tout un perdant. Et puis, ils vont avoir de plus en plus de perdants au fur et à mesure qu'on monte les taux d'intérêt. Alors, j'aimerais un que... Un mortgage. Un mortgage en anglais. Qu'on rappelle, en français, c'est une hypothèque, mais en anglais, on dit mortgage, mortgage. C'est réellement... c'est quasiment un duel à savoir lequel des emprunteurs vont mourir, en réalité. C'est vraiment ça. Qui vont être mortés. Mm-hmm. Incroyable. Un nouveau mot. Qui veut te morter, c'est morté par ton hypothèque. C'est exactement ça. Alors, comment clairement, là, parce que là, on a dit que, donc, l'inflation est créée par l'intérêt. Alors, sur ce même exemple-là, peux-tu nous réexpliquer clairement comment que l'intérêt crée l'inflation dans le système? OK. Well, continuons l'exemple avec les bines maintenant. Oui, oui. Dans l'exemple, je parle de l'intérêt, l'île d'intérêt, et l'île du frais de service, mm-hmm. comme deux îles différentes. D'accord. Sur une île, le banquier prête 10, exige 11, il y a des faillites, il fait une saisie. Now, il dit au gars, OK, combien de bines avez-vous? 10. Gee, maintenant, il y a simplement 9 montres. Mm-hmm. Donc, vos 100 bines qui achetaient 10 montres hier, au commencement de la partie, n'achète que 9 montres aujourd'hui. Ah, OK, là, c'est clair, oui. OK. Ouais. Donc, ça, c'est comment ils font l'inflation de cette façon. Donc, ça coûte plus d'argent pour acheter les mêmes. Oui, ça coûte plus d'argent pour acheter le même nombre de montres. En fait, une montre de moins, en réalité, c'est ça. Tu as reçu 10 bines pour ta montre, il faut la racheter pour 11 bines. D'accord, c'est ça. Wow. Et c'est aussi pourquoi toutes les maisons haussent de prix tout le temps. Oui, oui. Une maison. Si tu regardes les prix des maisons, vous allez voir que ça suit l'intérêt. Mm-hmm. Si tu achètes ta maison pour 10, et l'année prochaine, après que tu as payé la dette, toi puis la banque, vous êtes tous les deux d'accord que ça vaut 11, l'année prochaine, la banque va dire, hey, je peux prêter 11 sur ta maison qui vaut 11 maintenant, même si ce sont 11 $ moins valable. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Et de cette façon, nous voyons que le prix des maisons monte comme l'intérêt. On peut pas recevoir quelque chose pour rien. Et s'il donne 110 quand auparavant ça achetait 100, ou peut-être tu vas avoir ton 110, mais ça achète moins. Tu peux pas avoir plus qu'il y avait là. Mm-hmm. Donc, disons que si 10 gars, ils m'amènent toutes 100 livres de beurre dans ma banque, puis je leur donne toutes 100 jetons. Et de quelque façon, j'ai trouvé une façon d'émettre un autre 10 livres de jetons. Well, comment, lorsqu'ils retournent dans la cage chercher leur beurre, est-ce que je pourrais figurer ça quand ils ont 110 jetons, puis rien que 100 livres de beurre? Mm-hmm. OK, donc, émettre de l'argent, ça serait bien plus difficile à jouer les gens que de poigner l'avoir en base. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils ne parlent jamais de l'inflation étant la saisie de la base au lieu de plus d'argent. Donc, ils disent, wow, on souffre des prix qui haussent. Ça veut dire qu'il y a trop d'argent. Parce que c'est la seule cause qu'on connaît, qu'ils nous ont enseigné. Tout le temps, ben oui. De toute façon, des solutions qui arrivent maintenant. Wow, j'ai développé. Je suis candidat à la mairie de Brantford. D'accord. Et j'ai dit que si élu, je vais payer toutes les jeunes avec des billets d'autobus, des crédits sociaux. Non. L'année passée, 3 ans auparavant, quand j'étais maire, je ne parlais pas des billets d'autobus. Je disais, si vous travaillez une heure, je vais vous donner des dollars Brantford avec lesquels vous pourrez payer vos taxes. Donc, si je paye 1 million pour nettoyer les parcs, puis faire ça, well, c'est ça la taxe. Mm-hmm. Exactement le monde car sans intérêt. Et c'est comme ça que ça marcherait. Well, ils n'ont pas compris comment ça marcherait, mais cette fois-ci, j'ai dit, tu sais, si on avait un gars sur notre système qui était de telle puissance économique que tout le monde pourrait se fier à cette puissance, j'ai dit, wow, les autobus. Il y a toutes sortes d'autobus qui s'en vont vite. Et tous ces sièges sont des ressources qu'on perd, qu'on pourrait utiliser. en les remplissant avec des jeunes et des pas assez employés qui pourront nous donner de la beurre en échange pour ces sièges vides. Donc, je suis en train maintenant à Brantford de j'ai mon site johnturmel.com. Tu peux cliquer sur Brantford Bus Box. Okay. C'est ça ma campagne. J'ai 8 vidéos où je demande aux jeunes, travaillerez pour vous pour des billets d'autobus. Oui, oui, oui, tout le monde dit oui. Ils veulent tous travailler. Ils sont pas lâches. Mais en même temps, j'ai été à un pizzeria, puis à un Minuteman, j'ai dit, à un printer, you know, Martial Arts Academy, j'ai dit, écoutez, j'ai une telle de jeunes qui vont venir enlever la neige devant votre business après qu'il y aura une tempête de neige, ouais. Puis, est-ce que vous donneriez à mes jeunes un escompte de 10% s'ils viennent acheter chez vous votre pizza? C'est ce qu'il a dit. Ben oui. J'ai dit, OK, donc, au lieu de perdre l'escompte de 10%, prenez simplement 10% en bus box, en jeton local, que tu peux redépenser à l'autre place. Mm-hmm. Donc, j'ai maintenant une liste busbucm.htm à mon site où j'ai la liste des marchands en ville qui vont accepter les dollars des jeunes. Donc, j'ai dit, même si je ne suis pas élu, nous pourrons quand même contribuer notre temps volontaire, l'enregistrer sur l'Internet comme les autres banques de temps le font, qui n'ont pas d'autobus comme base. Et même si la ville ne se fie pas aux heures de travail des jeunes et vont pas les évaluer, les honorer, nous savons que les marchands en ville vont les accepter. D'accord. Et lorsque moi j'ai été visité en Europe en 99, 39 sur 40 soirées, j'ai payé avec un IOU pour une nuit au Canada. Mm-hmm. C'était à la 5 heures. En France, c'est 60 francs verts par heure. En Allemagne, c'est 20 marques verts par heure qui se payent. En Angleterre, ils se payent 6 verts livres qui se payent. Au Canada, on se paye 12 $ verts. Mais entre pays, on échange des heures. C'est déjà en train de se passer, ça? 5 heures par soir. Donc, j'ai à mon site mon compte Unilets où vous pourrez voir que j'ai envoyé un email à tous les personnes qui m'ont gardé pendant 4 jours en France. Je leur ai envoyé un email qui dit que j'avoue que je vous dois 20 heures de travail si vous voulez revenir au Canada. Donc, sur, en 11 pays, j'avais contacté les banques de temps avant que j'aille là. J'ai dit, est-ce quelqu'un qui veut prendre 5 heures par nuit? Puis, oui, on a une liste. Puis, ils m'ont trouvé quelqu'un. Et donc, lorsque j'ai dit aux jeunes de Brantford, si vous travaillez faisant des bonnes œuvres volontaires, allez enlever la neige pour les vieux, allez faire des petits ouvrages pour des vieillards. Ça compte tout comme des heures honorées par les banques du temps autour du monde, sinon pas par la ville de Brantford parce que j'ai pas été élu. D'accord. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que déjà ce système-là est en place et est utilisable, c'est bien ça? Well, je dis qu'avec les billets d'autobus, Brantford peut être le premier modèle au monde pour mettre toutes les jeunes à l'ouvrage avec un argent alternatif. Mais si Brantford refuse, n'importe quelle autre ville pourrait utiliser des billets d'autobus pour payer leurs jeunes, pour les récompenser. Donc, moi, j'ai cherché les emails de 1800 candidats municipaux ontariens qui ont des autobus dans des villes. D'accord. Et je leur ai tout envoyé une lettre qui dit que, hey, si vous êtes en faveur de ceci, de créer une banque de données dans votre ville pour vos jeunes qui accepteront des dollars d'autobus, hey, nous autres, on acceptera vos jeunes ici si vous accepterez les dollars d'autobus de nos jeunes là-bas. Mm-hmm. J'ai même un candidat à la mairie d'Ottawa, Robert Gauthier, qui dit qu'il est en faveur des bus box. Donc, si lui est élu là, et moi ici, ça veut dire que les jeunes d'Ottawa qui viendront à Brantford pourront payer avec leur billet d'autobus d'Ottawa. On sent que le système est dû pour ça. Hein? Le système est en train de s'écrouler, puis les gens cherchent des solutions, et puis elles vont apparaître. Les gens découvrent des solutions. Mm-hmm, c'est ça. Les gens découvrent, mais ce sont toutes des solutions des dinky toys, des petites solutions, mm-hmm. OK? Mais en 2000, comme je dis, à cause du casino qui m'a gagné le million, puis j'ai fondé le parti, j'ai été invité aux Nations Unies et j'ai fait le discours sur le système bancaire. Ils ont endossé ça dans la déclaration millénaire et un jour, vous pourrez payer vos dettes avec de l'argent ou avec du labeur. Mm-hmm. Time standard of money. C'est ça. Ce qui, comme je répète encore, c'est-à-dire ce qui fait que c'est un système très inclusif dans le sens que tout le monde peut travailler, tout le monde peut contribuer, n'importe c'est qui. C'est un dominateur commun. Exact. Au lieu donc d'avoir un système qui est géré par des banquiers privés, on se retrouve à un système qui est géré par nous-mêmes. Donc, En public. C'est ça. En public. Et c'est pas même un humain qui va le gérer. Ça va être un logiciel qui va gérer ton compte que tout le monde peut aller regarder. Ça va être plus un scorecard, comme ouais. où toutes les affaires que tu as faites, que tu as, t'as pas honte, t'es fier de dire que j'ai mis 4 heures à nettoyer cette porte-là, puis je suis fier de ce que j'ai fait. Ben ouais. J'enregistre mes 4 heures comme moi le témoin. Well, il n'y a personne qui va mentir si quelqu'un peut dire, hey, moi j'étais à cette porte-là ce matin-là, puis tu n'étais pas là. Menteur! Il n'y a personne qui a jamais menti en public qui a dit qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Uh-huh. Donc le système se police lui-même parce que lorsque tous ont accès à le crédit communautaire, ça veut dire que tous peuvent repayer leurs dettes. Ben oui, c'est et ça. Il n'y a personne qui veut être un lâche. Ben non, c'est ça. Il n'y a personne qui veut faire faillite non plus. Je veux dire, c'est incroyable le nombre de faillites qu'il y a, des reprises de finances. À ce moment-là, avec un système comme ça, on pourrait quasiment dire qu'on enraye la pauvreté. Là. Je veux dire, ça revient à... Oui. Écoute, si vous googlez pour... Si vous googlez pour anti-poverty system, mon système Let's, mon sel, était le premier hit. Et si vous googlez pour anti-poverty engineer, moi aussi j'étais le premier hit sur la liste. Donc, je suis vraiment fier. Mais, comprenons que les créditistes du Québec avaient raison, comme les créditistes d'Angleterre et du Commonwealth anglais n'avaient pas raison. Dans quel sens? OK? Dans les livres Zig Heistadendum puis Money as Debt, ils ont l'équation P sur P plus I. Donc, l'argent qu'on a, c'est sur le numérateur P. La dette, c'est le dénominateur P plus I. Mm-hmm. Wow. Les créditistes ne pouvaient pas contrôler la dette. Donc, ils ont dit, on va... Il y avait un exemple d'une barouette avec une roue moins grande que l'autre. La petite roue, c'était l'argent, et la grande roue, c'était la dette ou les prix, OK? Mm-hmm. Donc, il y avait une imbalance. Donc, l'imbalance, c'est il y a P d'argent et P plus I en dette. Well, deux solutions. Nous pouvons additionner plus d'argent dans le numérateur jusqu'à temps qu'il y en a assez pour balancer le P plus I dans le dénominateur. Mm-hmm. Ouh! Ça, c'est la solution Douglas, les anciens créditistes anglais. Mais Louis Irwin, il avait dit meilleur qu'on élimine l'intérêt dans le dénominateur et que toutes les prêts soient sans intérêt, et de cette façon, on n'a plus besoin de guetter pour l'imbalance pour le corriger. Il n'y a plus d'imbalance. C'est ça. Donc, Douglas, au lieu d'éliminer l'intérêt dans le dénominateur qu'il ne pourrait pas faire il y avait 90 ans, il a dit on peut balancer ça en mettant de l'argent sans dette. Parce qu'il y a de la dette sans argent, OK? Mm-hmm. C'est une solution valable. Mais la plus efficace solution, Turmel ou bien Louis Even créditiste, c'est d'éliminer l'intérêt dans le dénominateur et de cette façon, les deux sont toujours égales. Toujours en bas, ben oui, en équilibre. Toujours égal. Donc, le crédit social de Louis Even était le modèle pour mon logiciel Let's, qui est maintenant répandu autour de tout le monde. Les heures sont les crédits sociaux que nous utilisons entre nous. Et nous avouons même les CListes en France. Ils ont commencé leur CL sans même savoir des lettres en anglais, parce qu'il y avait les écritures de Louis Even. Preuve même encore que les systèmes CL lettres sont la philosophie créditiste québécoise. Okay. La philosophie monétaire libération propre. Là, les banquiers privés vont vous aimer, là. Bah, écoute, une banque, ça devrait être quelque chose de complètement auxiliaire comme dans un casino. Ben oui. Nous offrons des jetons pour faciliter le jeu. Well, les banquiers devraient offrir des jetons pour faciliter le jeu économique, mais au lieu, ils ont enchaîné tous les emprunteurs. Les emprunteurs. Mm-hmm. Ah, pire que ça, c'est un système qui est basé sur la dette, donc c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'on a besoin de créer tout en plus de dettes à la base de la pyramide pour que le système... Vivre. Ben oui, c'est ça. Et on ne peut jamais payer. Il y a toujours trop de dettes. C'est ça. C'est impossible de s'en sortir. Impossible. Comme actuellement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un... Ils disent que c'est un problème de liquidité, mais c'est en fait, c'est un problème de solvabilité qu'on a en ce moment. Ouais. La solution créditiste marcherait. Harper pourrait aller... Disons que la dette intérêt au Canada, c'est, disons, 300 milliards. OK, que nous payons en intérêt. Ça veut dire que c'est de l'argent qui ne peut pas servir à payer dette en principal parce que c'est en intérêt. Mm-hmm. Disons que Harper dépensait 300 milliards pour réparer, dépenser, 300 milliards. Ouais. OK? Well, ça veut dire que, soudainement, Canada aurait juste assez d'argent pour payer toutes ses dettes. Mm-hmm. La solution créditiste. Donc, même si je préconise la solution créditiste Even, pas la solution créditiste Douglas, quand même, les deux solutions auraient marché. Un, où qu'on compense pour l'imbalance en mettant plus d'argent, ou bien où on élimine l'imbalance. Mm-hmm. Donc, il y a deux méthodes pour balancer l'équation. Une méthode plus compliquée, l'autre méthode bien simple, qu'on run l'argent comme des jetons de poker. Sans intérêt. Et de cette façon, j'aime dire ça en anglais, and so we're going to have banking on earth as it is in heaven. Parce que Jésus, les mots les plus cités de Jésus dans la Bible, sept fois, il dit, à ceux qui ont de l'abondance, on va leur donner plus. Et de ceux qui n'ont pas d'abondance, on va même prendre ce qu'ils ont. Sept fois, Jésus répète cette parole dans les Bibles, dans ses mots. Il n'y a pas une personne sur un million qui sait qu'est-ce que ça veut dire, ça. Puis Jésus l'a dit sept fois, mais je le répète rien qu'une autre fois. Ceux qui ont de l'abondance positif en recevront plus en intérêt. Et ceux qui n'ont pas d'abondance négatif, on va même leur en prendre ça, ils vont être plus négatifs. Mm-hmm. Donc, ce que Jésus expliquait cette fois, c'était comment une compte de banque fonctionne. Mm-hmm. Ceux avec l'abondance recevront plus, et ceux endettés vont être tous endettés. Mm-hmm. Et Jésus-Christ, cette fois, a expliqué cette fonction. Même dans la parabole où ils ont demandé, hé Jésus, comment ça se fait que tu parles d'une parabole pour qu'ils ne comprennent pas? Et il dit, well, moi je parle d'une parabole pour qu'ils ne comprennent pas parce que ils vont écouter sans comprendre, puis regarder sans voir, parce que leurs cœurs sont devenus froids. Ils ont joué au mortgage, musical chairs with money, tellement longtemps qu'ils ne peuvent pas croire dans un monde juste. Et, mais n'oubliez pas, vous avez été donné la solution au ciel et à un monde, au ciel, oui. Mm. Donc, et le système de Jésus s'est donné dans le Paul Corinthians 2, chapter 8, 14. Il disait, avec votre abondance, au lieu de recevoir plus d'abondance, Paul dit, écoute, votre abondance devrait être le réservoir pour leurs besoins. Mm-hmm. Pour que plus tard, leur abondance pourra être le réservoir pour ton besoin. Mm-hmm. Et de cette façon, celui qui récolte beaucoup n'a pas trop, et celui qui récolte pas assez n'en manque pas pour qu'il y ait de l'égalité. Mm-hmm. Donc, la philosophie économique chrétienne dit que, oui, on a le droit d'être plus riche que l'autre. On a le droit de gagner plus, de travailler plus fort, d'être plus vif, d'être plus chanceux. Il n'y a pas de problème d'avoir plus que l'autre gars, de récolter plus que lui. Mais, tu vas prêter ton abondance que tu n'as pas besoin à ton cousin qui est maintenant sans, pour que plus tard, si lui a une bonne récolte, il pourra t'aider de la même façon plus tard. Mm-hmm. Donc, la philosophie sans intérêt, sans usure, décréditiste, est donnée dans Paul Corinthians 2, 8, 14. Et la définition de l'usure, le problème des dettes, est donnée 7 fois par Jésus. 2 fois dans Matthieu, 2 fois dans Luc, une fois dans Thomas et deux fois, Marc, une fois dans Thomas et une fois dans Peter, dans les Écritures qui ont été découvertes simplement en 1948. Écoute ça. L'Église catholique chrétienne, ils ont changé la définition de l'usure à prendre l'intérêt sur l'argent, à prendre trop d'intérêt sur l'argent, ce qui permet à leur prêtre maintenant d'exiger de l'intérêt avec l'argent de leur brebis. Il faut investir ça pour le bien-être de leur paroisse. Donc, ils sont tous des moneylenders, des loan sharks, les prêtres d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais en 1948, ils ont découvert dans le désert d'Égypte les Nag Hammadi Scrolls. Et là-dedans, il y a l'évangile de Thomas. Et Thomas 95, ça dit, et tu peux voir pourquoi ça a été enterré. Jésus a dit, si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas à intérêt. Wow! Pas pire, hein? Hey, c'est drôle qu'on n'entend jamais parler de ça. Hein? C'est comique parce qu'il y a plusieurs religions, en réalité, qui condamnaient les intérêts, je veux dire, condamnaient l'usure. Oui. Et puis, ça a été complètement évacué, sauf qu'on voit encore des systèmes comme dans les pays musulmans où la dette composée... Non, ils ont trouvé une façon de faire un gain sans l'appeler de l'intérêt. La même affaire, ah oui? Okay. C'est de l'intérêt. Écoute, si tu prends une... Écoute, Paul te dit, écoute, t'as beaucoup récolté cette année, va mettre ton abondance, ce que t'as pas besoin, dépense tout ce que tu veux, mais ce que tu peux pas dépenser, mets-les à la banque, on te donne des jetons. Uh-huh. Nous autres, on va le prêter à l'autre gars sans intérêt. Uh-huh. OK? Donc, si ça arrive, ça veut dire que plus tard, si jamais moi je suis en besoin, le surplus des autres sera là aussi. Mm-hmm. Donc, on peut dire que c'est bien expliqué dans toutes les religions. Ils disent toutes que l'intérêt c'est méchant. Donc, seulement savoir que ton abondance est mise au succès de tes amis qui vont t'aider plus tard est assez de récompense que tu devrais demander. Ben, je comprends. Mais les banques qui disent ça islamique, oh, ils ont trouvé une façon de collecter un peu d'argent pour ton prêt. Ouais, disons que c'est moins que les intérêts composés, mais c'est encore des intérêts. C'est encore que faire de l'argent avec de l'argent, c'est ce que tu ne devras pas faire. Mais là, quand même, c'est un peu mieux que l'autre, mais pas beaucoup mieux. Non, c'est Et ça. Franchement, ce que ça fait plus que ça vole la vedette de mon système cell. Non, je comprends la distinction. Ouais. Mon unicell aux Nations Unies libérait tous les pauvres de la planète. Tandis que les banques islamiques cherchent à se faire des profits en prêtant leur argent. Quand même, ouais, ouais. Puis j'avoue que le système que tu décris, John, en plus, c'est un système aussi de valeurs, là. C'est plus juste, on parle même plus d'argent, c'est-à-dire qu'on change nos valeurs humaines, là. C'est-à-dire que on prête l'argent, c'est-à-dire on a un mouvement de solidarité envers tous les autres êtres humains, là. Je veux dire, à ce moment-là, on se sent unis. On peut voir ça vient, on peut le voir arriver. Presque toute l'Amérique du Sud maintenant sont connectés d'une façon ou l'autre avec les agents complémentaires. Ouais. En Japon, 60% des personnes peuvent payer pour prendre soin de leur maman chez leur village en donnant des heures dans un autre village. Mm-hmm. Ça, c'est... Donc, c'est bien, bien organisé en Japon. Donc, nous n'entendons pas parler des nations où leur argent alternatif sont en train de leur sauver. On entend seulement des nations où ils n'ont pas des argent alternatifs pour leur sauver. Ils n'ont pas de navires de sauvetage qui font faillite. Et franchement, en Afrique, ils n'ont rien à voler. C'est rien que nous autres, les riches dans le premier monde, qui ont encore de l'avoir, que les banquiers peuvent nous voler. C'est pour ça que moi, en Afrique, tu peux payer pour ton café avec une minute de téléphone, mais ici, tu peux pas. Écoute, en Afrique, tu peux payer avec des minutes de téléphone, mais au Canada, tu peux pas. L'opération est rendue ici. Là, on parle de la tiers mondialisation des pays occidentaux. La classe moyenne est en train de disparaître. Je veux dire, on est rendu au point où c'est nous autres là, qui prenons de passer au cash. Là. Oui, mais on n'a pas besoin d'attendre qu'on incorpore. Exactement. Ben non, c'est pour ça que... Accepter que ça prend ça. Regarde en Argentine, exemple parfait. En 85, les provinces ont commencé à émettre leur argent provincial qui a résolu toutes sortes de problèmes. Mm-hmm. L'inflation de 1000% à 36%. Puis, il y avait des emplois, puis tout marchait bien. Mais, parce que c'est pas de la vraie argent, ils ont aussitôt que tout commençait à marcher bien encore. Oh, soudain, les banquiers ont dit, oh, ils ont un peu d'avoir. Maintenant, on peut commencer à les prêter de l'argent pour les voler encore. Mm-hmm. Donc, après quelques années, ils ont fermé leur bon provincial, puis ils ont retourné à emprunter de l'argent à intérêt. Aïe, aïe, aïe. En 2001, ils ont été cassés. Well, en 2002, il y avait des provinces qui ont commencé leur bon provincial encore. Il y avait les systèmes de trucks créditos avec 7 millions de personnes qui faisaient de la business encore. Et en faisant du commerce avec un argent alternatif, ça libère l'argent national pour payer nos dettes. Disons qu'au lieu de dépenser, couper un chèque à ton enfant, il prend des leçons de musique, piano. Au lieu de couper un chèque de 25$ à cette personne-là, tu dis, écoute, au lieu de faire ça, est-ce que je peux envoyer, est-ce que ma femme ou ma fille peut aller garder tes enfants pour 2 heures? Well, si tu trouves l'échange, ça veut dire que les 25$ en cash restent dans ton compte. Mm-hmm. Donc, chaque transaction que tu peux payer avec un échange de troc libère du cash dans ton compte pour que tu puisses réduire tes dettes. Et c'est ça ce qui est arrivé en Argentine. Il y avait tellement d'argent communautaire en circulation que On n'a pas à la banque, il n'y a pas d'intérêt. Puis ce qu'on fait avec, on paye nos dettes. Mm-hmm. Et tout le monde commençait à payer toutes leurs dettes. Et après 5 ans, parce qu'ils utilisaient tout l'argent communautaire, le gouvernement fédéral a complètement payé leurs dettes externes, IMF, World Bank, en Argentine. Et je suis la seule personne au monde qui a écrit un rapport sur l'article que le pays qui était cassé auparavant 5 ans sont maintenant tout payés. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Mm-hmm. Pas d'histoire de personne excepté moi. Qui, moi, j'ai couvert cette histoire, puis j'ai 25 vidéos à mon site sur l'Argentine, à mesure qu'ils font ci, qu'ils font ça, qu'ils font ça. Et ça explique tout. Wow. Comment ça se fait qu'ils ont pu payer toutes leurs dettes externes après avoir été cassés il y a seulement 5 ans? Et puis des exemples, ils ont fait ça? Des exemples, il y en a comme ça. On va retourner même à l'Allemagne juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, justement, quand Hitler avait justement instauré ce système-là. Okay. Et puis, on est passé d'un système qui était ruiné, je veux dire, l'Allemagne qui était complètement à terre, et puis en quelques années, pow, était rendue une première puissance mondiale. Et puis après ça, se sont fait démoniser. C'est une des grandes raisons pour laquelle on a démonisé énormément, je veux dire, non seulement la politique économique, mais je veux dire, on a caché ça sous le nazisme, et puis Il y a plus que ça même. Vous saviez que, Hitler, il y avait un ingénieur, Feder, qui voulait utiliser un système d'échange local. Mm-hmm. Il a émis des Reichsmark qui valaient de la labeur. C'est labor ça. Notes. Ouais. Leur argent était basé sur votre travail. De la labeur. Ils ne souffraient pas d'inflation. Tout le monde pouvait travailler. Il y avait plein emploi pendant que le restant du monde souffrait la Grande Dépression. Mm-hmm. Mais Karl, non, premièrement, après la Première Guerre, lorsque l'Allemagne a perdu, puis les ont enchaînés avec des grandes dettes, puis les ont cassés, Hitler est venu en pouvoir, mais il avait tout coupé l'Allemagne. Ils ont chopé l'Autriche, ils ont chopé Sudetenland pour la Tchécoslovaquie, ils ont chopé le Polish Corridor pour le donner à Pologne. Ouais. Hitler, il a repris et il a remis ensemble l'Autriche, et qui était partie de l'Allemagne tout le temps. Mm-hmm. Et après quelques temps, il a remis, puis il a pris le Sudetenland de la Tchécoslovaquie, des Allemands là. Mm. Et finalement, à la fin, il a envahi la Pologne pour le petit morceau de Polish Corridor. Mm-hmm. Le plus petit montant de terre possible. Et 2 semaines plus tard, la Russie a envahi de l'autre bord, puis la guerre était finie en 2 semaines. Mm-hmm. Puis Pologne, Allemagne, Hitler, il était prêt à prendre sa retraite. Il avait tout mis l'Allemagne ensemble encore, comme auparavant. Mm-hmm. Il aurait pu prendre sa retraite comme un héros qui a tout remis le Reich ensemble. Ouais. Mais l'Angleterre et la France ont fait une déclaration de guerre à cause de la petite morceau de terre de la Pologne. Uh-huh. All right? OK. Now, pendant 9 mois, il n'y a pas de guerre. Hitler, il essaie de résoudre la guerre parce qu'il a tout fini. Il a tout remis l'Allemagne ensemble, puis il n'y a rien plus à faire. Mais, non. Mais, il y a un livre par Louis Kilzer à propos de Churchill's Betrayal, le meilleur écrivain sur les livres de Deuxième Guerre mondiale. Ces deux livres sont les deux meilleurs. Mais là-dedans, il y avait une offre des Alliés pour faire la paix pendant ce qu'ils appellent the Phony War. Après que la Pologne a été battue, il n'y avait pas d'explosion pendant 9 mois, jusqu'à mai 1940, avant que ça commence en vrai. Okay. Donc, pendant les 9 mois, ils appelaient ça pas le Blitzkrieg, mais le Sitzkrieg. Le Sitzkrieg. Pendant qu'ils blitzaient pas, mais pendant qu'ils sitzaient. Et ils essayaient de faire la paix. Et une des conditions était que Hitler prenne sa retraite, OK. L'autre condition, c'était qu'il retourne sur l'étendard de l'or. Ouais, c'est ça qu'il voulait, ben ouais. Wow! Well, qui demanderait pour une condition pour éviter les 50 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale? Qui a mis la condition qu'ils arrêtent leur système d'échange local basé sur le temps et retournent sur un argent basé sur de l'or pour qu'ils puissent avoir le même taux de chômage que tous les autres? Exact. Alors, on aurait pu éviter la Deuxième Guerre mondiale si Hitler aurait accepté de retourner au système. Laisser tomber son système d'échange local, ouais, et retourner au système mondial des autres. Et lorsque j'ai lu cette condition, j'ai dit, ça, c'est de la grande argent qui nous parle. C'est ça, exactement. C'est ça, je veux dire, c'est la cause. Ma réalité, c'est ça, c'est qu'on voit, c'est les grands financiers de Wall Street puis de Londres, en réalité. Les alliés. Ben ouais, c'est ça, là. Eux autres, là, ils aimaient pas ça, le système d'Hitler, parce qu'il était tellement efficace et tellement bon, tout le monde travaillait, il y avait plus de dettes, il n'y avait plus d'intérêt. Alors, qui avait un gros manque à gagner? C'est évidemment ces grands banquiers internationaux privés-là, hein? Oui. Et ça continue. Mais on voit que ça continue maintenant. Mm. John Kennedy, en 1963, avait émis un executive order où il allait accepter de l'argent. Silver, OK? Mm-hmm. Non seulement de l'or comme base pour l'argent, mais aussi ils allaient accepter l'argent aussi, qui aurait plus que doublé le montant d'argent légal en circulation et qui aurait réduit toutes sortes de saisies, éliminé l'inflation chiffre B, et ils ont tiré John F. Kennedy. Oui, c'est ça. Juste comme ils ont tiré Lincoln. Lincoln, pendant la guerre, il a émis 450 millions de crédits sociaux sans intérêt, des greenback dollars qu'on pouvait payer nos taxes avec pour payer la guerre, puis ça a marché jusqu'à temps qu'ils l'ont tiré aussi. Mm-hmm. Ah, c'est arrivé de façon continue. Dans l'histoire des États-Unis, c'est arrivé à trois reprises qu'on a essayé d'abolir la banque centrale privée, puis les présidents, écoute, sont fait tirer dessus, je veux dire. C'est une bataille épique entre la grande argent puis le petit monde qui peut, ouais, encore avoir un effet. Mais de toute façon, nous n'avons plus besoin de craindre que les grands financiers ont le même pouvoir complet qu'ils avaient juste seulement il y aurait 30-40 ans. Ah ouais, ah ouais. Du monde complet. Maintenant, leur contrôle. Écoute, Facebook, 500 millions de personnes pourront faire des échanges avec des crédits Facebook sans intérêt. Uh-huh. I mean, la révolution est si grande que moi, je prédis qu'il y aura une chance que nous pourrons faire sur la terre comme on le fait au ciel. Ouais. Dans les deux ans, parce que, comme j'expliquais toujours, nous n'avons rien que de reprogrammer le logiciel des banques meurtrières pour appuyer sur le logiciel seul. Ouais. Avec un frais de service pur. Maintenant, les logiciels, ils ont des frais de service et des intérêts. Mettez intérêt à zéro, haussez frais de service à ce que ça coûte, et le système fonctionnera comme ça fonctionne au ciel. Ah ouais, c'est fantastique. Sans intérêt. Écoute, c'est, puis en plus, ce à quoi ça me faisait penser, c'est qu'il y a tout le temps cette, je te dirais, ce débat entre, est-ce qu'on devrait avoir un système communiste, capitaliste, ou en fait, ça vient complètement bulldozer tout ça, et puis on arrive avec un système qui... J'aime dire que si le capitalisme est la thèse, elle n'est pas parfaite, et le communisme est l'antithèse, et c'est pas complètement méchant, mm-hmm, il doit avoir une synthèse, un perfect blend, un mélange parfait. C'est ça. Et cet mélange existe lorsque tous peuvent être capitalistes. C'est ça. Lorsque, aujourd'hui, pour être capitaliste, tu as besoin du crédit à la banque, puis seuls les jeunes qui sont nés avec l'avoir de papa peuvent avoir un prêt. Ouais. Mais lorsque le prêt est basé sur le pouvoir humain et non l'avoir du papa, là, tous peuvent être capitalistes et nous avons un capitalisme commun et non un capitalisme monopole. Wow, puis je trouve ça incroyable parce que on dit souvent que justement le communisme fait en sorte que les gens ne sont plus stimulés à produire de quoi de nouveau, et puis le capitalisme est bon pour ça parce que ça stimule les gens à vouloir créer de nouveau, alors que là, le communisme est bon parce qu'on répartit les richesses au lieu d'éviter, au lieu d'encourager la concentration de la richesse entre les mêmes mains. Donc là, on a le meilleur des deux mondes et puis on élimine justement. Le meilleur des deux mondes. Ben ouais. Écoute, je suis un bon ingénieur et quand je vous promets qu'un sel, un système, des jetons de poker sont parfaits et je gagerais que des jetons de poker sont parfaits, l'argent parfait. Tu peux gager là-dessus. Écoute, c'est corrigeable. On n'a pas besoin de mourir, mais nous avons la prophétie des Mayans. As-tu entendu ça? Oui. Avant 2012, ils disent qu'il va y avoir un grand changement. Oui. Well, la plupart des gens pensent que ça va aller de méchant à pire, mais ça pourrait toujours aller de méchant à corriger. Oui. Et il y a quelqu'un qui préconise une solution de logiciel qui est instantanée. Je sais que aussi vite qu'on peut reprogrammer l'ordinateur pour qu'un pauvre en Somalie puisse aller signer pour sa carte de crédit pour s'acheter du manger jusqu'à temps qu'il est adulte. Tous les jeunes y ont des cartes de crédit jusqu'à temps qu'ils sont adultes. Pour cette façon, Isaiah 55 disait, « Vous qui avez faim et n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. » Comment qu'on peut acheter si on n'a pas d'argent? Non, c'est ça. Le crédit, c'est OK. Pas besoin de le donner en charité. Prête-les en prêt charitable sans intérêt. Mm-hmm. Wow, toute c'est incroyable. Toute la Bible est pleine de batailles entre les riches et les pauvres. Ouais. Et toutes les bonnes religions, hindous, bouddha, juifs, islam, chrétien, ils ont tous des saints qui préconisent que l'usure, ça tue, ouais. Il faut l'abolir. Ouais. Et nous sommes à un point dans l'histoire où ça va arriver. Nous avons la technologie pour nous sauver. Pour le faire. C'est incroyable. Avec la minute que Google dit, la minute que Facebook dit, OK, 50 Ace Bucks, ça vaut une heure de labeur. Ça veut dire qu'ils peuvent maintenant faire des échanges avec toutes les autres banques de temps au monde. C'est ça. On arrive à la fin, mais écoutez, il nous reste encore... On arrive au ciel! Moi, je vois le ciel qui s'en vient. Je vois une horreur d'un enfer autour de moi. Mais je vois un ciel qui s'en vient avec des crédits sociaux pour tous les pauvres. Et c'est bien facile de payer des dettes lorsque tous les paiements vont contre l'hypothèque et pas l'intérêt. C'est moi aussi, je vois ça comme ça. Je vois la fin du tunnel, la lumière ou à la fin du tunnel qui apparaît. Et puis, ça va être beau. Imagine ça. J'aime dire « I'm the good news bear ». Ouais, ben c'est ce que vous êtes. « Good news bear ». Il y avait des vues en anglais, « the good news bears », you know. Ouais. Moi, j'ai des bonnes nouvelles pour les pauvres. Wow. C'est pas aussi méchant qu'on pense. Ça va être corrigé bien vite. Il y a des solutions. Wow, ben Monsieur John Turmel, il nous reste une minute en dernier. Je sais pas si vous avez un mot de la fin pour les auditeurs. Alors, le dernier mot, c'est que je suis en train de me batailler fort pour légaliser la marijuana parce que ça tue le cancer, ça repousse les cellules cérébrales, ce qui fait que c'est bon pour l'Alzheimer. Donc, si vous avez de la parenté qui meurt du cancer et qui ont des Alzheimer, vous le méritez pour avoir voté pour les méchants qui ont créé les lois qui ont prohibité cette herbe merveilleuse. Effectivement. Faites vos recherches. Effectivement. On va peut-être, je vais essayer peut-être de vous revoir sur l'émission pour parler plus de ça, parce que justement, aussi au Canada, ça bouge beaucoup, ça, à ce niveau-là, et puis il n'y a pas réellement de loi, finalement, qui l'interdit, donc ça, c'est tout un autre sujet aussi. J'avais une grande cause à la Cour supérieure du Nouveau-Brunswick hier. J'avais une grande cause supérieure à Alberta la semaine passée, et j'ai 7 causes dans la Cour d'appel d'Ontario aujourd'hui. Wow. Et la théorie, c'est simple. La couronne s'est chialée, ils ont dit à la Cour suprême du Canada. La décision que j'ai fait à appel, ça dit que l'exemption ne marche pas pendant les derniers 6 ans. Et la première fois que l'exemption n'a pas marché, ça voulait dire que la prohibition contre la possession était morte, puis il a fallu laisser tomber 4000 accusations. Ouais. Et si vous dites que l'exemption est morte pendant 6 ans, ils vont le dire encore. Oui. Fantastique. Six ans que la mort est descendue, la loi est descendue et les couronnes le savent et continuent à mettre des gens en prison avec une loi invalide. C'est complètement ridicule. Ah, oui, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'une énergie incroyable. Je vous remercie énormément d'être passé. Visitez mon site johnturmel.com et regardez le Brantford Bus Box, les vidéos avec les jeunes. D'accord, je vais tout mettre ça en lien sur, d'ailleurs, les Nouvelles Internationales, chers auditeurs. Wow! Merci beaucoup pour cette entrevue. Je suis très heureux, puis on va vous revoir. Je pratique mon français, n'importe quand. Bon, vous êtes excellent. OK. Bon, on se quitte là-dessus. Je vous remercie beaucoup. OK, bonjour. Au revoir. OK.